je n'ai pas tort. Au fond, je crois bien qu'il faut te rappeler que j'existe encore. Il y a trop de temps déjà que je ne sais plus rien de toi. Tes yeux m'ont peut-être oublié, mais ton cœur lui doit m'aimer. De te savoir si loin de moi, qu'un autre demain te prenne dans ses bras et qu'il te garde toute la vie près de lui, près de lui. Pourtant tu avais promis de m'écrire presque tous les jours. Un mot aurait bien suffi, mais en vain, je l'attends toujours. J'ai peur savoir si loin de moi, qu'un autre demain te prenne dans ses bras.